I'm hearing voices. I'm feeling crazy. You are all mighty, you are all mighty, you are all, you are all precious, you are all God, you are God to me. This is for you, darling. I want you to sing. I want you to sing, baby. I want you to. Ouvre ta gueule, parle maintenant. c'est maintenant. Plus de pilves et maintenant. Redescends sur terre. Parle maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Faux discours. Vas-y, accouche. Parle-moi. Parle-moi. Would you? You talk to me. You talk to my wife. You're sad without you. Démocratie. forces needed. Pourtant, la base de la liberté, c'est la base. Moi je vois pas les drapeaux toi. Ah ouais, non, ah non, je les ai pas, moi je regarde pas les drapeaux. Et on veut savoir Little Wing où est-ce qu'elle vient. Non, bah ça va. Guitar Girl. Wadey. Little Wing, on l'entend pas. Désolé, c'est pour ça que ça fout le bordel. Parce que j'ai fait n'importe quoi. Et puis c'est do mineur. Dièse mineur. Non mais c'est ce que je te dis. C'est déjà hyper texturé. Poum poum poum. Eh oui. Tiens, on est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça, quoi? Bye. Bon, je tiens à te dire que c'est la dernière. Boy. Boy. J'espère que la darling, elle va panter. Clap. Give me something heavy, boys, he said. Moi j'adore. I don't know. Ce genre de son. Me too. Ce genre de son. Do dièse mineur. Attends, j'arrive. Porté sur les cieux. D'accord. Je reste d'accord. D'accord. Thank you.